don't accept your evil ways, evil desire, evil love, the evil system you have been used to, that have been stealing, killing, and destroying you. Are you getting it? Yeah. You know, people, it's not hard to see today. You can see religious churches, how full they are. Yeah. Millions, thousands, everywhere. Amen? Amen. He prayed. He said, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate that broad, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in there out. Viele suchen nach Gemeinden, in denen sie ihr altes Leben, ihr altes Leben weiterführen können und niemand stellt Fragen. Ne? Alle akzeptieren das einfach. Du brauchst dich nicht ändern, Hauptsache du bist da. Ja. Matthieu 7, Verset 13, on a écrit: Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y a. Il y a beaucoup qui entrent par là. Donc ça montre qu'il y a beaucoup de soi-disant enfants de Dieu qui veulent aller à l'église sans changer. Ils veulent toujours continuer avec leur vie ancienne et puis avoir aussi Jésus-Christ au même moment. Jesus came with repentance message. Jesus kam mit der Botschaft der Buße, eine Veränderung. Et Jésus-Christ est venu avec le message de la repentance. If you don't want any change, no need to come to Jesus. Wenn du keine Veränderung willst, wenn du keine Veränderung willst, you will no longer be yourself. Et si tu ne veux pas changer là, tu n'as pas besoin de recevoir Jésus-Christ parce que Jésus-Christ il va te changer. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 47, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Nur wenige. Il y a seulement peu de gens qui trouvent le droit chemin. Praise the Lord. Amen. Beware of the false prophets which come to you in sheep clothing, and inwardly they are ravening wolves. Verse 16. 16. Verse 16. You shall know them by their fruits. What Christ called fruits. And not what man call fruit. Das, was Christus Frucht nennt, nicht das, was der Mensch no, Frucht nennt. How many cars, how many wives, how many children, how many house. That's what man call fruit. How much you have in your account. Die Religion, die Welt zählt die Frucht auf, im Sinne von, wie viel Geld man hat, wie viele Freunde man hat, wie viel Besitz man hat. Aber davon richtig, like wie viele Leute mögen dich. Aber darum geht es hier nicht. Dass nicht die Frucht, von der hier gesprochen wird. Verset 16 a écrit, vous les reconnaître à leurs fruits, mais Jésus-Christ a ses propres fruits, ce n'est pas le fruit de la religion, mais de ce monde où on peut voir qu'ils ont de biens différents, ils sont mariés avec 10 femmes, mais ils ont 10 voitures, ça ce n'est pas le fruit que Jésus-Christ parle, le vrai fruit est la vérité. Amen. Amen. It said, do men gather grapes of thorns, or figs, of testo? 17. Even so, every good tree bringeth forth good fruit. Amen. A good man, praise the Lord. Amen. A good ministry will bring out the message of Christ. And a good, Amen. So the people, you can see that the message of Christ had one. Die Gemeinde, die Botschaft von Christus sind eins. Eine, I don't want. Ja, eine lebendige Gemeinde wird auch die Frucht erzeugen, die gut ist. Amen. Die lebendig ist. Eine lebendige Gemeinde wird auch die Frucht erzeugen, die halt lebendig ist, die gut ist. Une église vivante va aussi produire des fruits vivants. A living church will never bring a dead message. And a dead church will never bring a living message. Ja, eine tote Gemeinde wird niemals eine lebendige Frucht erzeugen. Eine lebendige Gemeinde wird immer eine lebendige Frucht, niemals eine tote Frucht erzeugen. Une église vivante va jamais prêcher un message mort. Et comme ça aussi, une église morte va jamais prêcher un message vivant. Verse 17. Verse 17. Even so, every good tree bringeth forth good fruit. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Verse 18. Verse 18. A good tree cannot bring forth evil fruit. You see it. The message here is who we are. Die Botschaft hier ist das, was wir sind. Le message, das ist ça notre qui nous sommes. And no one can say I like the message, I don't like the people. Und niemand kann sagen, ich mag die Botschaft, aber ich mag die Leute nicht. Et personne peut dire j'aime le message, mais je n'aime pas les gens, c'est pas possible. Amen. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewed down and cast into the fire. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 20. Spanish. Verset 20. He said, wherefore by their fruit you shall know them. You know, by our fruit here, the message, by the message you should know who we are. Durch die Botschaft wirst du wissen, wer wir sind. How wonderful we are. Wie wundervoll how wir Christ sind. We are. Wie Christus wir sind. Amen. Verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à travers le message qu'on peut nous reconnaître, on peut reconnaître que nous sommes merveilleux parce qu'on appartient à Jésus-Christ. Amen. Amen. They will always do not, they will say the message is good, but the people, the pastor. Sie werden immer sagen, die Botschaft ist gut, aber die Leute, der Pastor. Ils vont dire toujours que le message est bien, mais le pasteur stört mich. Who died for you? It's not the pastor, it's Christ. Aber wer ist für dich gestorben? Nicht der Pastor, sondern Christus. Nicht die Menschen, sondern Christus. Mais qui est mort pour toi? C'est pas le pasteur, c'est pas les gens dans cette église, mais c'est le Christ qui est l'église. You know, they will say the message is good, the pastor and the people are not good because they cannot bring you into their level. They want you to come so you know to descend and become like them. Amen. Because you know Jesus can never become Satan. It's not possible. So Satan is the one to repent and come and join Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Die Leute wollen halt dass die Leute aus der die dann halt in der Wahrheit sind, sich halt ihnen anpassen, damit sie halt mit ihnen eins sein können. Aber das funktioniert nicht. Der Satan, also Jesus will sich nicht dem Satan anpassen, sondern der Satan muss Buße tun und sich dem Herrn anpassen. Und so ist es auch in einer lebendigen Gemeinde. Et très souvent, il y a des gens qui disent, bon, j'aime le message, mais j'aime pas le pasteur ou bien les enfants de Dieu qui sont dans cette église. Et puis c'est parce qu'ils veulent que nous, les enfants de Dieu, qu'on se soumet à leur qu'on se rabaisse à leur niveau, parce qu'eux, ils ne sont pas prêts à se soumettre à la vérité de Dieu. Et c'est ça pourquoi c'est le diable qui doit se repentir pour maintenant joindre Jésus-Christ et pas Jésus-Christ qui se rejoint. Qui rejoint au diable. Le diable. Qui rejoint le diable. Marc 16, verset 16 à 18. Oh, we can even read from 15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And this sign shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. Praise the Lord. Amen. Amen. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Praise the Lord. Amen. He said, the sign, you know, the sign, Jesus said that, die Zeichen, von denen Jesus gesprochen hat, die uns folgen werden. Ici, dans verset 15 à 18, on voit les signes qui nous suivent. Amen. So they will speak with new tongues. Sie werden neuen Sprachen sprechen. Ich parlerai avec les nouvelles langues. Amen. If you go to Isaiah 7, you see, there are a lot of places, some, you know, that the Lord talk about sign. Go to Isaiah 7, verse 14. Isaiah 7, Vers 14. Da gibt es viele Stellen, wo der Herr über ein Zeichen spricht. Dans Isaïe 7, on peut voir comment Jésus-Christ parle aussi des signes différents. Praise the Lord. Mm. Isaiah 7, verse 14. Vers 14. He said, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. And also, if you go to Matthew 1:23, it's there. Matthew 1:23. Praise the Lord. Amen. He said this sign. Dieses Zeichen. Praise the Lord. Amen. You know, some are still looking for sign today. Suche immer noch nach Zeichen. Amen. Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui cherchent des signes, mais nous on cherche pas des signes. Amen. Amen. Our sign is Christ today. Aber wir sollten nicht nach Zeichen suchen. Unser Zeichen ist Christus. On cherche pas des signes parce que notre signe est Jésus Christ. Praise the Lord. Amen. Look at some certain people that we are looking for signs. Matthew 12. Suche bestimmte Leute an, die nach einem Zeichen gesucht haben. Matthäus 12. Matthew 12:38. On peut voir les gens qui ont cherché des signes. You know, speaking in tongues will even help them to even come to Christ. In fremden Zungen zu sprechen, sollte ihnen helfen sogar. Amen. Because Jesus, he will call it a sign. Is somebody getting it? Sollte ihnen sogar helfen, bei Christus zu bleiben, weil Jesus nennt es sogar ein Zeichen. Et le fait que les enfants de Dieu parlent en langue, normalement, c'est aussi un signe pour les païens, parce que Jésus-Christ a dit que parler en langue, c'est un signe. Ça doit les aider à rester en Christ et pas les arracher de Jésus-Christ. From verse 38 of Matthew 12, he said, then certain of the scribes and the Pharisees answered, saying, Master, we will see a sign from thee. They were looking for signs from him. Sie haben noch ein Zeichen. People, a lot of people are still looking for signs from him. Viele suchen nach einem Zeichen heute. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des signes jusqu'aujourd'hui. 39, but he said unto them, an evil and adulterous generation seeketh after a sign. Praise the Lord. Hallelujah. Christ should be enough for you. Christus sollte genug sein für uns. Jésus-Christ doit être assez pour toi. His death is enough sign for you. Sein Tod ist genug Zeichen für uns. Parce que sa mort est déjà un signe pour nous. His resurrection is enough sign for you. Seine Auferstehung ist genug Zeichen für dich. Sa résurrection est aussi un signe pour nous. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, even an adulterous generation seeketh after a sign. And there shall no sign be given to it but the sign of prophet Jonas. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the son of man. Can you get it? He said, I am the sign. Er sagt, ich bin das Zeichen. Donc dans verset 39, il dit que moi je suis le signe, je suis le miracle. Praise the Lord. Amen. So shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh shall rise in judgment to this generation. 41. And shall condemn it because they repented of the preaching of Jonas. And behold, the greater than Jonas is here. Mm. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation. And shall condemn it. You know, those people you have been preaching with. Die Leute, zu denen du gepredigt hast. Amen. Preaching Christ to. The queen of Sheba will come and condemn them. Die Königin des Südens wird sie sogar verurteilen. Dans verset 42, on a écrit que la reine du Midi se lèvera au jour du jugement. Et ça montre que les gens à qui tu as prêché, c'est eux-mêmes qui vont te juger à la fin. Because they only heard of a person, Solomon. Denn sie haben nur von einer Person gehört, Salomo, und sind dennoch dorthin geeilt. The message you have been preaching, they refuse to move. You know, they refuse to be moved. Aber diese Botschaft von Gott, der sich hingegeben hat für die Menschheit, da hören sie nicht hin, da bewegen sie sich keinen Zentimeter hin drauf zu. Donc, on peut voir dans verset 42 que Jésus-Christ veut dire que les gens dans l'Ancien Testament, ils avaient seulement les prophètes comme Salomon, comme Élie, comme les autres prophètes, et ils ont été capables à croire à travers le message de ce prophète. Mais nous avons le Christ qui est même plus grand que tous ces prophètes. Mais bien qu'on prêche aux gens, ils refusent à obéir et à croire. The queen of Sheba, the queen of the south, you know, he heard of a man called Solomon. He heard of the flesh. She moved and she went there. How much more you have been preaching spirit today? Und hier die Königin des Südens hat von Salomo gehört, hat von einem Mensch aus Fleisch und Blut gehört, der diese Weisheit anscheinend hat und es hat sich deswegen dorthin bewegt. Aber wie viel mehr, wir verkündigen heute über den Geist, über das Leben, aber die Leute bewegen sich nicht. Si la reine du Midi a été capable à croire, combien de plus les gens maintenant à qui nous avons prêché l'esprit à ces gens-là, mais ils refusent à se soumettre. Praise the Lord. Hallelujah. And then the queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. For she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. Amen. The message you have been preaching to them is greater than Solomon. Die Botschaft, die du gehört, die du zu ihnen predigst, ist größer als Salomo. Et le message qu'on attend ici est plus grand que le message de Salomon. Praise the Lord. Hallelujah. If you do not believe Mark 16, the sign that he said there, then don't believe that of Mary. Wenn du die Zeichen, von denen er in Markus 16 spricht, nicht glaubst, dann solltest du auch nicht an das Zeichen glauben, dass Jesus durch eine Jungfrau gebärt wird. Et si tu n'es pas capable à croire Matthieu 16, là tu n'as pas aussi besoin de croire qu'une vierge a mis au monde. We know and believe that Jesus Christ never changed. Wir wissen und glauben, dass Jesus sich niemals ändert. Weil sein Wort sagt, dass er sich niemals ändert. Das lesen wir in Hebräer 13, Vers 8. Nous, on croit que Jésus-Christ ne change jamais, parce qu'on l'a écrit dans Hébreux 11. So Mark 16, where we read, never change. It remained the same. Das heißt, Matthäus 16, was wir gelesen haben, das ändert sich nicht. Pardon, ce n'était pas Matthieu 16, mais c'était Marc 16. Là, ça montre que Jésus-Christ ne change jamais. So also, you know, virgin gave birth to Christ Jesus. Never change. Genau, so ist eine Jungfrau. Never go with the apostle. It's still the same today. Jesus gebärt hat, das ist ein wahrhaftiges Zeichen, wenn es wirklich so passiert ist. Es kann keine Lüge verändern. Donc tout ce qu'on a lu aujourd'hui, ça montre que qu'une vierge a mis au monde et tout ce qu'on vient de lire concernant des signes, ça c'était quelque chose qui existait, c'est pas une chose qui est maintenant oui, qui n'existe plus avec les apôtres, mais c'est une chose qui existe jusqu'à aujourd'hui. Sin against the Holy Spirit is sin against his gift. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist die Sünde gegen seine Gaben. Genauso die Gabe auch vom fremden Zungen sprechen. Et à le péché contre le Saint-Esprit, et c'est quand on rejette tous ces dons, les dons qu'on parlait en langue. Jesus did not die for his disciples alone. Jesus ist nicht nur für seine Jünger gestorben. Et Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour ses disciples. And nothing of Christ passed away with them. Und nichts von Christus ist mit ihnen vorübergegangen. Et rien du Christ est aussi expiré avec eux. He came for the whole world. Er kam für die ganze Welt und er ist für die ganze Welt gestorben. Jésus-Christ est venu. Et il est mort pour le monde entier. All he needs from you is believing. Alles, was er von uns braucht, ist ihm zu glauben. Et tout ce qu'il a besoin de toi est que tu le crois. Once you believe, then you are qualified. Wenn wir ihn glauben, sind wir qualifiziert. Dès que tu le crois, tu es qualifié. Remember Mark 16, where they said believers. What qualifies you is that you are a believer. Was dich qualifiziert, ist gläubig zu sein, dass du an ihn glaubst. Ce qui te qualifie est que tu crois en Jésus-Christ et que tu es un croyant. And the question should be, are you a believer? Une Frage sollte sein, glaubst du? Et la question doit être, est-ce que tu es un croyant? Let us quickly look at what Jesus said. The prayer he prayed for them, John 17. Go to John 17. Johannes 17, schau uns an, was Jesus für sie gebetet hat. On va voir la prière de Jésus-Christ pour ses disciples dans Jean 17. Praise the Lord. Hallelujah. John 17. Johannes 17. Jean 17. Amen. If you read verse 9, first of all, verse 9. Verset 9. He said, I pray not for them. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me. For they are mine. Then verse 20. Verse 20. Verse 20. Neither pray I for this alone. You see that? But for them also which shall believe on me through their words. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He is no respecter of person. Bevorzugt niemanden. Amen. Et Jésus-Christ ne respecte pas des personnes. So nothing passed away with the apostles. Nichts mit den Jüngern vorbeigezogen. Et rien est expiré avec les apôtres. Amen. Romans 2:11 says he is no respecter of person. In Römer 2:11 steht, dass er niemanden bevorzugt. Et dans Romains 11, on a écrit que Jésus-Christ n'est il ne préfère pas des gens, il ne favorise pas des gens. Just also like in Romans 4, from verse 7, you know, from 17 to the end, Abraham believed God, even from 1, if you read it from 1 to the end, Abraham believed God, it was imputed unto him as righteousness. Amen. Römer 4, 1, ab 1 lesen wir auch, dass Abraham, Abraham an Gott geglaubt hat und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Romans 4. On va lire Romains 4 où Paul a dit que Abraham a cru en Dieu, c'est ça qui a été sa justice. Verse 23 and 24. 23 und 24. Romains 4, verset 23 et 24. If you read it, okay, let me see, verse 22. And therefore, it was imputed to him for righteousness, because he believed God. Amen? Es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, weil an Gott geglaubt hat. Das lesen wir in Römer 4, 22. In Romains 4, on peut lire que Abraham a cru en Dieu, puis c'est ça qui a été sa justice. Verse 23, he said, now it was not written for his sake alone. That it was imputed to him. It's not Abraham alone. Es ist nicht nur an Abraham allein gerichtet. The apostles alone. Nicht nur die Jünger allein. Ce n'était pas seulement écrit pour les apôtres. Verse 24. Therefore, us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus, our Lord from the dead, who was delivered for our offenses. And was raised again for our justification. Praise the Lord. Hallelujah. No apostle can take Christ's word away from us. Kein Apostel kann die Botschaft von Christus mit sich nehmen. Et tout ça qu'on vient de lire, aucun apôtre peut maintenant changer la parole de Dieu, peut pas changer le fait que nous tous avons été justifiés par Jésus-Christ. I've noticed something, you know. Once you talk about the Holy Spirit speak to you, some are threatened. Mir ist aufgefallen, dass wenn du darüber sprichst, dass der Heilige Geist etwas offenbart oder gesagt hat, dass es ein paar Leute bedroht. Et ce que j'ai remarqué est que dès que quelqu'un ou certains entre nous dit que le Saint-Esprit a parlé à eux, les autres sont menacés. Because they don't hear the voice of the Holy Spirit. Weil sie die Stimme des Heiligen Geistes nicht hören. Parce qu'ils n'entendent pas la voix du Saint-Esprit. Or know how to hear the voice of the Holy Spirit. Oder wissen, wie man die Stimme des Heiligen Geistes hört. Ils ne savent pas comment entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. You can spend 10 years here, 20 years here, in a living church, and not hear, or know how to hear the voice of the Holy Spirit. Du kannst 10, 20 Jahre in einer lebendigen Gemeinde sein, aber dennoch nicht wissen, wie man die Stimme des Heiligen Geistes hört. Et tu peux être 10 ans dans une église vivante, mais pas savoir comment le Saint-Esprit parle. Amen. Amen. You know, Thomas was more than 3 years with Jesus Christ. He never believed Christ. Thomas war mehr als 3 Jahre in Jesus, aber er hat doch nicht geglaubt. Et Thomas, par exemple, il a été plus que 3 ans avec Jésus-Christ, mais ne savait pas comment entendre la voix du Saint-Esprit. Without your submission to the Holy Spirit, you cannot hear his voice. Ohne unsere Hingabe zum Heiligen Geist werden wir seine Stimme nicht hören können. Et si tu n'es pas capable à te soumettre au Saint-Esprit, tu vas pas aussi être capable à entendre sa voix. But that does not mean you don't hear any other voice. Was heißt es, dass du keine andere Stimme hörst? Mais ça signifie pas que tu n'entends pas des autres voix. Amen. You hear another voice. Tu hörst eine andere Stimme. Tu vas entendre une autre voix. Remember, Jesus said, "My sheep hear my voice." Erinnert euch. Another voice they will not hear. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, aber eine andere Stimme werden sie nicht hören, weil es immer eine andere Stimme gibt. Et rappelez-vous, Jésus-Christ a dit que mes brebis, ils entendent ma voix parce qu'il y a aussi des autres voix. We are still to hear the voice of the Holy Spirit. Wir müssen immer noch auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Es ist nicht vergangen. Et on doit toujours continuer à entendre la voix du Saint-Esprit parce qu'il n'est pas expiré avec les apôtres. How can two walk together if they cannot hear from one another? Wie können zwei miteinander hören, wenn du nur die Stimme des einen hörst, aber nicht die Stimme des anderen? Et comment deux peuvent marcher ensemble si un entend la voix du Saint-Esprit et l'autre entend la voix du diable? Jesus said in John 16, he will reveal all the truth to us. How can he reveal the truth to you if you cannot even hear his voice? Jesus sagt in Johannes 16, dass der Heilige Geist uns die Wahrheit offenbaren wird. Wie sollen wir wie soll uns die Wahrheit offenbaren, wenn wir seine Stimme nicht hören können? Et dans Jean 16, Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit va nous révéler toute la vérité. Mais comment est-ce que il va te révéler la vérité si tu n'es pas capable à entendre sa voix? Praise the Lord. Hallelujah. So we close now, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So please, who have questions?